Différence de traitement, une décision très importante. Par un arrêt destiné à une très large publication, la Cour de cassation étend la présomption de justification des différences de traitement à celles opérées par voie d'accord d'établissement. Sont donc désormais présumées justifiées les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accord d'établissement négocié et signé par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements. Celui qui les conteste doit démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Oui, et il s'agit d'une modification importante de la jurisprudence en la matière. Mais attention, cette nouvelle position adoptée par la Cour de cassation est cependant limitée aux différences de traitement instituées par un accord collectif ou une convention collective. Reste donc toujours applicable la jurisprudence selon laquelle l'employeur ne peut pas unilatéralement traiter différemment des salariés d'une même entreprise, mais travaillant dans des établissements distincts, sauf à justifier les différences par des motifs objectifs et pertinents, par exemple le coût de la vie.